Alors, Pauline n'insista plus. Chacune était maîtresse d'agir à son goût. Ce qu'elle en avait dit, c'était par bonté de cœur, car elle éprouvait un véritable chagrin de voir si malheureuse une camarade. Et, comme minuit allait sonner, elle se leva pour partir. Mais auparavant, elle força Denise à accepter les 6 francs qui lui manquaient, en la suppliant de ne pas se gêner, de ne les rendre que lorsqu'elle gagnerait davantage. « Maintenant, ajouta-t-elle, éteignez votre bougie, pour qu'on ne sache pas quelle porte s'ouvre. Vous la rallumerez ensuite. » La bougie éteinte, toutes deux se serrèrent encore les mains. Et Pauline fila légèrement, rentra chez elle, sans laisser d'autre bruit que le frôlement de sa jupe au milieu du sommeil, écrasé de fatigue, des autres petites chambres. Avant de se mettre au lit, Denise voulut achever de recoudre son soulier et de faire son samonage. Le froid devenait plus vif à mesure que la nuit avançait, mais elle ne le sentait pas. Cette causerie avait remué tout le sang de son cœur. Elle n'était point révoltée. Il lui semblait bien permis d'arranger l'existence comme on l'entendait, lorsqu'on se trouvait seul et libre sur la terre. Jamais elle n'avait obéi à des idées. Sa raison droite et sa nature saine la maintenaient simplement dans l'honnêteté où elle vivait. Vers 1 heure, elle se coucha enfin. Non, elle n'aimait personne. Alors, à quoi bon déranger sa vie, gâter le dévouement maternel qu'elle avait voué à ses 2 frères? Pourtant, elle ne s'endormait pas. Des frissons tièdes montaient à sa nuque. L'insomnie faisait passer devant ses paupières closes des formes indistinctes qui s'évanouissaient dans la nuit. À partir de ce moment, Denise s'intéressa aux histoires tendres de son rayon. En dehors des heures de gros travail, on y vivait dans une préoccupation constante de l'homme. Des commérages couraient, des aventures égayaient ces demoiselles pendant 8 jours.